Salut, vous écoutez audioblog.fr. Le site qui accompagne ce fichier est à http://audioblog.fr. Sur ce site, vous pouvez réagir par écrit à ce que vous allez entendre. Si l'écrit, c'est pas votre truc, vous pouvez également réagir par téléphone en appelant le 08 70 73 20 28 la journée. C'est un répondeur et surtout c'est une Freebox, ça veut dire que si vous appelez de France, d'où que vous soyez, vous allez payer une communication locale. Elle est pas belle, Nabi ? She tells me to leave, then begs me to stay. Just when I get comfortable, she don't want me this way. I try to change. Hard as I can, guess it takes a crazy woman to love a crazy man. While I'm sleepwalking, baby, on my toes, I'm being real careful where I go. Sleepwalking, baby, all night long, this crazy woman got me singing this crazy song. Cette édition est un peu spéciale. Je m'appelle Luc Saint-Élie, ça va faire une dizaine d'années que je maintiens un site personnel. Il a traversé toutes les époques, toutes les modes, et actuellement il a la forme d'un weblog. C'est le format du moment, et surtout c'est un format assez commode. L'année dernière, je me suis dit que ça serait sympa d'essayer de publier mes humeurs sous d'autres formes qu'écrites, et donc j'ai commencé à enregistrer des fichiers MP3. Là-dessus, la mode du podcasting est arrivée, et du coup, c'est le délire. Bon, pourquoi je vous raconte ça? C'est à cause d'un commentaire qui a été posté hier sur le site par un type qui a signé Alain. Ce commentaire, j'ai failli le virer pour des raisons nombrilistes, et puis je l'ai validé parce que, au fond, il est intéressant. Ce commentaire, il dit en gros, ben moi, j'en ai rien à foutre de ce que tu racontes. Et il a pas tort. Audioblog.fr, au départ, c'était un truc assez confidentiel, une expérience perso, et du coup, avec l'effet iTunes, bah, vous êtes plus nombreux, et ça, c'était pas prévu du tout. Alors, il y a deux ou trois trucs qu'il faut que je vous explique. Le premier, c'est que ce que vous entendez en ce moment, ce sont mes réflexions à moi, ça n'a pas vocation à être la vérité ni à être génial, c'est juste mes réflexions perso. Il y en a qui marmonnent ce qui leur trotte dans la tête dans leur salle de bain, moi je fais ça devant mon micro, mais au fond, c'est exactement pareil. Le second truc, c'est que si vous aimez le R&B, la house ou le rap ou toute autre musique du genre, vous allez vous faire du mal, donc vaut mieux arrêter tout de suite. Ici, vous allez entendre que des musiques de vieux, du blues principalement, pas mal de rock aussi. En ce moment, par exemple, on entend Terry Wall and the Wallbangers, c'est un groupe du Tennessee, et la chanson s'appelle Sleepwalking. Pour en revenir à ce message d'Alain, ce que vous entendez ou ce que vous pouvez lire sur le site, c'est juste ce qui me trotte par la tête. La conséquence, c'est que j'écris et que je raconte pas mal de conneries. Et l'intérêt de la manœuvre, enfin ce qui m'intéresse moi, c'est l'échange avec ceux qui sont pas de mon avis. Donc si vous n'êtes pas d'accord, ou plus simplement si vous avez un avis sur une question, vous décrochez votre turlu et vous racontez pourquoi au 08 70 73 20 28. On dirait une promo pour un site de cul. Voilà, on va pas passer l'été là-dessus, mais en résumé, vous n'êtes pas en train d'écouter une émission de radio, ni quoi que ce soit de construit, d'informatif ou d'intelligent. Imaginez simplement que vous êtes dans un bar crasseux et que le type à côté de vous a l'air sévèrement alcoolisé et qu'il parle à voix haute. C'est juste ça. Puis au fond du bar, dans un coin, il y a un groupe d'autres types crasseux qui grattent des Stratocasters. Et celui qu'on va entendre, il s'appelle Premium Chicago et la chanson Ghost Ride. Bon, alors on attaque directement avec le scoop de la semaine. Ce scoop, c'est que des Chinois inspirent la politique gouvernementale. Je sais, dit comme ça, ça fait un peu bizarre. Et pourtant, fais un petit flashback. De 2002 à 2004, ça remonte pas à vieux 2004, c'est l'année dernière, qui est-ce qui était ministre de l'Intérieur ? Hein ? Allez, vous vous souvenez, c'est ce bon Nicolas. Pendant ces 2 ans, Nicolas était la vedette de tous les JT, de tous les quotidiens. Vous vous souvenez, Nico avait envie de pisser et immédiatement il l'annonçait à une tribune et il partait aux toilettes suivi d'une cohorte de caméras de télé. Et il aime l'action, Nicolas. Donc dès que quelque chose foirait, la réplique était immédiate. I'll be back. J'y vais, qu'il disait, suivi par une demi-douzaine de caméras de télé. Le résultat, c'est que de Nicolas, il est passé à Super Sarko, le grand redresseur de tort. J'ai pas l'impression que quiconque soit jamais penché sur la question de savoir si le moindre tort avait été redressé, mais c'était comme ça. Super Sarko était le redresseur de tort. Et là, en 2005, on s'aperçoit que c'est le Bronx total, que les banlieues n'ont pas changé d'un poil, ce qui est un point de vue amusant, parce que penser que le débarquement de Super Sarko suivi de sa cohorte de caméras de télé allait changer quoi que ce soit, enfin, disons que ça peut faire sourire, quoi. Sauf qu'il se retrouve mal, Super Sarko. Il redébarque dans un ministère qu'il venait à peine de quitter, il retrouve son fauteuil encore tout chaud, et surtout il retrouve la même situation que celle qu'il avait laissée, c'est-à-dire pas brillante. Alors, à ce moment de la manœuvre, vous devez être en train de vous demander ce que les Chinois viennent faire là-dedans. Eh ben j'y viens. Côté Zik, on accélère un chouïa la mesure avec un groupe du Milwaukee. Le groupe s'appelle Day of Reclipse et la chanson Bitter End. Super Sarko ne peut pas décemment expliquer que c'est le souk, sans prendre le risque qu'un esprit contrariant lui fasse remarquer que c'est le souk qu'il a laissé lui. Et c'est là que la philosophie chinoise arrive. Il y a un proverbe chinois qui dit « Quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt ». Et en lisant ça, Super Sarko il a eu le déclic. Alors pour parler des banlieues, il s'est mis à balancer des formules à l'emporte-pièce sponsorisées par un fabricant d'appareils de nettoyage sous pression, et d'un seul coup, tous les journaux qui traînent dans son sillage se sont mis à parler de Karcher et pas de bilan. Morale de l'histoire, bravo Super Sarko. Morale de la morale, on se méfie jamais assez des Chinois. Passe à la photo avec tout d'abord un petit utilitaire très très cool pour Windows. si vous utilisez XP SP2, ça c'est très important, ce qui suit ne fonctionne qu'avec SP2 qui est une mise à jour de XP, et que vous avez un réflexe Nikon ou Canon, ou un gros compact d'une de ces deux marques qui sait pondre des fichiers RAW, alors j'ai une super nouvelle. Le RAW c'est très cool, je l'ai déjà dit en long et en large, mais ça a un inconvénient majeur, c'est que pour manipuler les fichiers, il faut un logiciel dédié. On peut même pas les afficher en vignette dans les fenêtres. Et bien plus maintenant, Microsoft, qui a déjà fait des grandes annonces théoriques sur le futur de sa prochaine version de son système d'exploitation concernant le RAW, vient de manière beaucoup plus concrète de proposer en téléchargement un petit ensemble qui permet dès aujourd'hui à Windows de lire les fichiers RAW de Canon et Nikon. En fait, ce système est totalement transparent, c'est un truc qu'on télécharge sur la version anglaise du site de Microsoft, et une fois installé, les fichiers RAW s'affichent en vignette dans les fenêtres comme les autres fichiers BMP, JPEG et autres, et la visionneuse de Windows peut les afficher. C'est extrêmement sympa. En fait, concrètement, une fois que vous avez installé ce truc, Windows traite le RAW comme n'importe quel autre type de fichier graphique. J'ai mis l'adresse dans la liste des liens qui accompagnent cette note. Si vous utilisez Windows XP SP2, dur à dire ça, XP SP2, eh ben je vous engage à aller le télécharger et à l'installer. Vous allez voir, ça change la vie quand on a un Nikon ou un Canon. À ce moment de la manœuvre, vous vous demandez peut-être « mais qu'est-ce qu'ils foutent chez Apple pendant ce temps-là » J'en sais fichtrement rien. Ce que je sais en revanche, c'est ce que fait le groupe Apple Seed. Eux, ils font « The Toll ». Les putoliens parlent aux putoliens. Il fait chaud à la défense. Je répète, il fait chaud à la défense. Plus sérieusement, vous avez peut-être, si vous êtes un habitué du site, suivi les tribulations de Christophe Grébert, qui est un habitant de Puteaux, qui publie un weblog sur sa ville, une sorte de contre-journal municipal, et à qui la ville de Puteaux fait procès sur procès pour essayer de lui faire fermer sa grande gueule. Il est vrai que Christophe en a une grande, qu'il ouvre souvent à bon escient. Eh bien, Christophe, qui se lisait jusqu'à maintenant, s'écoute désormais, l'adresse est toujours la même, en un seul mot, monputeaux.com, M-O-N-P-U-T-E-A-U-X, si je ne me trompe pas, .com. Donc si vous habitez à Puteaux, que vous bossez à la défense ou des choses dans ce goût-là, bah, jetez-y une oreille de temps en temps. C'est une sorte de vraiment de journal, tout ce qu'il y a de sérieux et de bien fait, contrairement à ce que vous êtes en train d'écouter actuellement. Voilà, bravo Christophe. Allez, vas-y. revient à la photo avec la question du bruit numérique, ces petits pixels indésirables et vraiment très vilains qui se baladent sur les images, surtout en basse lumière. J'avais quelque temps parlé de mes expériences avec ce bruit, des essais que j'avais fait pour lui tordre le cou, essais pas franchement fructueux. Et j'ai comparé ce bruit dans les images avec le bruit que l'on rencontre dans le son. Et Jean-François, qui est un scientifique, vient apporter un petit éclairage sur la chose. Alors si vous avez de l'aspirine sous la main, allez-y. Petite note en passant, Jean-François c'est un malin puisque il sait bien que, à mon répondeur, il faut lui parler d'une voix féminine, suave et lascive. Et là franchement, il a pas ça sous la main, donc il a rusé. Allez, vas-y Jeff. J'aime beaucoup ce que vous faites, ça touche pas mal de domaines qui me plaisent, musicalement, c'est à peu près ma tasse de thé. Vous avez vu, hein, c'est bien joué. Hein. Bon, plus sérieusement, Jean-François va nous raconter quelques trucs sur les rapports entre le bruit en photo et le bruit dans le son. Donc voilà, vous parliez du bruit numérique en photo. Le bruit en photo, et vous faites le parallèle avec le bruit en son, et pour moi, ça pas grand chose à voir, en tout cas dans la manière dont vous présentez. Il y a une composante dont vous parlez pas du tout pour la photo, qui est le côté aléatoire du bruit. Le vrai bruit, il est aléatoire. C'est pas aléatoire de 0 à 1 totalement. Il y a des préférences. Par exemple, ce que fait un utilitaire de réduction de bruit, il est plus simple, genre Sound Soap, qui est vraiment basique. On prend un échantillon du bruit pur, sans musique. On fait une analyse fréquentielle de ce bruit, et puis on soustrait grosso modo les fréquences du son à traiter. Voilà, comme les filtres fréquentiels se foutent totalement de la phase, il n'y a pas de problème de démarrage du son, de quoi que ce soit. Le son il est réparti à peu près aléatoirement, mais dans des bandes de fréquences à peu près cernées. Donc voilà, au passage, on amoche un petit peu beaucoup le fichier d'origine. Il y a des approches un petit peu plus rusées qui consistent à faire ça, mais en fonction de la dynamique, c'est-à-dire que quand le son est très fort, le vrai son est très fort, on s'occupe pas trop de masquer le bruit, et puis quand le son baisse, de manière par tranche de fréquence, on filtre le bruit qui manque pas de réapparaître et qu'on ne manque pas d'entendre. Voilà. Mais on ne soustrait pas, j'allais dire bit à bit, c'est pas, on n'enregistre pas 5 minutes de musique, après 5 minutes de bruit, et on ne soustrait pas le fichier de bruit, bit à bit, ou octet par octet, du fichier de musique. Ça marche pas du tout parce que le bruit est aléatoire. En photo, si vous prenez une photo avec un capteur, même si le capteur présentait des problèmes sur la photo avec le capuchon et sur une vraie photo, je pense pas qu'on puisse parler de bruit, mais plutôt de défauts. On va gommer les défauts d'un capteur qui présente toujours trop de rouge à un endroit ou quoi que ce soit. Maintenant, le bruit, lui, il est imprévisible. La même photo faite deux fois de suite, normalement, les petits accidents qu'on peut voir à la loupe dans Photoshop ne devraient pas être au même endroit. Un réducteur de bruit en photo, en fait, utiliserait la transposition qu'on a en fréquence, qui est une transposition temporelle. Pour le son, ce serait une transposition spatiale pour la photo, c'est-à-dire que dans l'espace 2D de la photo, ce qui correspond à du bruit, ce qui est analysé comme du bruit, c'est-à-dire des accidents qui se répètent à une fréquence donnée, avec une caractéristique donnée, on les soustrait. Mais on ne peut pas soustraire pixel à pixel, en tout cas. Je vois vraiment pas comment ça peut permettre de retirer du bruit. Effectivement, vos constatations, c'est que ça bousille la photo. Parce que le bruit apparaît, par exemple, sur les prises de vue très sombres. Ce qu'on fait quand on augmente la sensibilité, en fait, le capteur lui change pas, contrairement à mon pellicule. Mais on raccourcit le temps pendant lequel on capte la lumière. Sur les capteurs d'appareils photo, chaque petit photosite fonctionne un petit peu comme une cuvette. La cuvette se remplit de photons et puis on prend le niveau de la cuvette à un moment donné. Donc plus la cuvette est remplie, plus l'erreur de lecture sur la cuvette est faible par rapport à la taille de la cuvette. Si on attend pas que la cuvette soit beaucoup remplie, on va avoir une image représentée par les différents niveaux dans les cuvettes, mais l'erreur de lecture sur le niveau des cuvettes va apporter beaucoup plus de bruit que sur une photo où on met le capteur à une sensibilité plus importante. Sachant toujours que la sensibilité ne bouge pas, c'est juste le temps de lecture qui change, donc le temps de remplissage des cuvettes des photos. Donc j'imagine que le truc dont je ne me rappelle plus le nom là, qui travaille sur le bruit, fait plutôt une analyse spatiale, en quelque sorte, par rapport alors soit un échantillon de bruit, soit par rapport à des bruits qui sont entrés dans la connaissance du logiciel et puis des bruits types. Et il travaille avec des filtres en 2D, mais on peut pas soustraire une image type. Voilà, j'espère que j'ai été clair. De toute façon, ça change rien, vraiment rien au contenu de votre audioblog qui est très bien. Voilà. J'en profite pour refaire un petit peu de pub pour ce répondeur. Donc, si comme Jean-François, vous avez une réaction à quelque chose que j'ai traité, vous sautez sur votre turlu, vous faites le 08 70 73 20 28, et donc, contrairement à Jean-François, d'une voix suave et lascive, vous racontez tout ça à mon répondeur. À ce moment de la manœuvre, mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, on va se refaire un petit blues, c'est Side, Saint-Rémy et Lil Bell qui nous font Grasping at Straws. Suddenly, would there be an empty space left here by me? Did I make any significant stride? Was it all me? Or did the evil in me outweigh the good in me? We all keep grasping at straws through a seemingly never-ending well of loss. And if men just keep us in order, petite parenthèse plus sérieuse, enfin disons plus importante, ma dernière note traitait de l'espèce de trouble que j'avais ressenti à la suite du référendum. Pour résumer, j'étais plutôt pour ce projet de traité, pas parce que je le trouve formidable ce traité, d'ailleurs je serais bien en peine de le trouver formidable ou pas formidable, je suis pas juriste, mais parce que l'idée d'une plateforme commune à partir de laquelle il serait éventuellement possible de mettre en place des choses à l'échelle européenne me paraissait plutôt sympathique. Ce fichier traitait de mon désarroi tant vis-à-vis de ceux qui ont voté non que de ceux qui ont voté oui. Ceux qui ont voté non parce que j'ai trouvé que la tonalité de ce non me plaisait pas. Quant au oui, il suffit de voir les réactions après le résultat pour comprendre que, enfin pour ressentir, disons tout au moins, que ce oui manquait pour le moins d'enthousiasme, et donc en déduire que les motivations étaient peut-être un peu moins sympathiques que celles qui étaient avancées. Et il s'est produit mi-juin un événement qui est passé totalement inaperçu et qui reflète bien cette espèce de désarroi que j'ai ressenti vis-à-vis de ce référendum, de ce traité, etc. C'est un article qui est paru dans Libé le 17 juin, et article qui concerne un amendement à une loi qui a été discutée au Sénat. Or, cette histoire-là est passée pratiquement totalement inaperçue, et je trouve qu'elle est bien représentative de ce qui me met mal à l'aise dans cette foutue histoire de référendum. Je lis l'extrait donc du papier de Libé, il est pour l'instant toujours en ligne, j'ai mis le lien dans la liste des liens qui accompagnent cette note. Je vous engage à aller le voir, parce que normalement c'est le type de papier qui aurait dû motiver une descente dans la rue de tout le monde. Or, c'est passé totalement inaperçu. On peut se poser la question, enfin c'est pas de l'ironie, c'est pourquoi ce genre de choses passe complètement inaperçu. Donc ce papier concerne un débat au Sénat d'un amendement dans le cadre de l'examen de la loi Jacob, rebaptisé Dutreil sur les PME, et cet amendement spécial est consacré à l'emploi des travailleurs étrangers en France, qui était un des éléments de la campagne. Je lis Libération, texto. Cette nuit, le Sénat devait débattre, dans le cadre de l'examen de la loi Jacob, rebaptisé Dutreil sur les PME, d'un amendement spécialement consacré au sujet, le sujet étant l'emploi des travailleurs étrangers en France. Présenté par le gouvernement, il vise à lutter contre le dumping social et à donner, ouvrez les guillemets, un signe fort de la part des pouvoirs publics qui veulent juguler des pratiques visant à fausser l'exercice d'une concurrence économique en faisant échec à l'application impérative du droit du travail français. Fermez les guillemets. Le texte édicte un noyau dur de droit pour le travailleur détaché, calqué sur ceux des salariés en France. Grève, négociations, salaires, y compris les heures supplémentaires, horaires et repos compensateurs, congés, y compris de maternité, hygiène, sécurité, etc. Il encadre strictement la notion de travail détaché. Dorénavant, lorsqu'une entreprise étrangère aura une base en France à partir de laquelle elle démarche des clients, elle sera entièrement assujettie au code du travail. D'un point de vue strictement juridique, l'amendement élargit les dispositions issues de la loi Giraud de 93 et la directive européenne de 96, etc. etc. Normalement, ce genre de choses aurait dû valoir une mobilisation massive des gens, donc de la partie des gens du non, puisque je me suis fait engueuler pour ça, qui sont un petit peu terrorisés par la perspective de voir débouler des travailleurs étrangers travaillant dans des conditions lamentables, puisque a priori, ils semblent vouloir leur garantir les mêmes droits que les travailleurs hexagonaux, et descendre dans la rue les tenants du oui, tendance ultra-libérale, qui devrait trouver ça scandaleux. Eh bien, personne, j'ai vu nulle part, à part ce papier de Libé, n'a parlé de cette histoire. J'ai pas vu de manif, j'ai pas vu de grandes déclarations, alors que là, on touche vraiment à un des points, en tous les cas, centraux de cette histoire de traiter des problèmes éventuels qu'il pourrait causer. Rien, que dalle, le silence. Et ben ça, c'est exactement le genre de choses qui a provoqué ce malaise. Tout le monde a pété un câble très fort, a crié très fort, ou de joie, ou de peine. Et maintenant, on a eu droit à un petit jeu de chaise musicale gouvernementale, et la vie reprend ses droits tranquillement. Au fond, c'est ça qui me gêne. En revanche, il y a un truc qui me gêne pas, ce sont les Bostoniens de Oma qui vont nous faire un morceau qui s'appelle No Hope, pas d'espoir. Bon, ok, c'est un petit peu facile. On se quitte là-dessus, à la prochaine. Salut, n'oubliez pas, réaction sur le répondeur ou dans les commentaires du site. Allez, ciao!